Toujours à la même occasion, les journaux cambodgiens et pakistanais ont présenté les numéros spéciaux. Le journal cambodgien Nokor Tom Daily a inséré sur une page entière un numéro sous le titre « Leader éternel du peuple coréen » avec le portrait en sourire du général Kim Jong-il. Le journal pakistanais Election Times a indiqué que les exploits du général Kim Jong-il, qui a déjoué l'agression, le diktat et l'arbitraire des impérialistes et défendu la paix et la sécurité du monde par sa politique de Sun-gun, brilleront à jamais dans l'histoire.